إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم D'après ابن مسعود qu'Allah l'agré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le sang d'un homme musulman n'est pas licite, sauf dans trois cas. L'homme marié qui fornique, l'âme pour l'âme, et celui qui délaisse sa religion et qui se sépare du groupe. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Comme vous le voyez, mes frères, ce hadith est une des bases prouvant la sacralité du sang du musulman, et il énonce les cas où cette sacralité, elle disparaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le sang d'un homme musulman, et ceci englobe aussi bien l'homme que la femme. C'est-à-dire que le sang de la femme musulmane est sacré au même titre que celui de l'homme. Le sang d'un homme musulman, c'est-à-dire un homme qui atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, comme ceci est d'ailleurs rapporté à l'origine dans ce hadith. Le sang d'un homme musulman n'est pas licite, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis de le tuer, car son sang est sacré. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a d'ailleurs dit dans un autre hadith, « Vos sangs, vos biens et votre honneur sont sacrés, c'est-à-dire qu'ils sont inviolables, et qu'il n'est pas permis de leur porter atteinte, et ce d'une quelconque manière. Sauf dans trois cas, c'est-à-dire qu'il y a trois situations dans lesquelles le sang du musulman perd sa sacralité. L'homme marié qui fornique. Thayyib, que l'on a traduit ici par l'homme marié, cela désigne en réalité l'homme qui a eu des rapports intimes par un mariage valide. Et s'il commet l'adultère en forniquant après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé le bienfait du mariage, alors il perd la sacralité de son sang à cause de cet acte ignoble. Quant à celui qui n'est pas thayyib, celui qui n'a pas eu de rapports intimes par un mariage valide, alors celui-ci ne perd pas la sacralité de son sang, mais sa peine légale est autre, comme cela est mentionné dans le Coran et détaillé dans les livres de fiqh. Le deuxième cas est ce qu'il a mentionné dans sa parole, l'âme pour l'âme, c'est-à-dire la vie pour la vie. Et ce qui est visé ici est la loi du talion. La loi du talion, c'est-à-dire que si un homme tue un autre homme volontairement, il est alors tué à cause de cela, selon les conditions connues et détaillées dans les livres de fiqh. Et il a enfin dit, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui délaisse sa religion, c'est-à-dire celui qui apostasie, et ce, quelle que soit la forme d'apostasie dont il est coupable. Puis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a précisé la situation de ce dernier en disant, et se sépare du groupe. C'est-à-dire que celui qui délaisse sa religion, en faisant cela, il se sépare du groupe des musulmans, car il quitte la sphère de l'islam pour la sphère de la mécréance, et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc une explication concise des sens de ce hadith. En ce qui concerne les bénéfices que l'on tire de ce hadith, premièrement, il y a dans ce hadith une preuve de la sacralité du sang du musulman et l'interdiction de lui porter atteinte. Et il y a unanimité à ce sujet, comme le prouve le Coran et la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 93 de Sourate An-Nisa, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Et quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer. Pour y demeurer éternellement, Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Ceci est donc une menace sévère de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous prouve que tuer un musulman dont le sang est sacré fait partie des plus graves péchés. Deuxièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, on comprend de celui-ci que la sacralité du sang est spécifique aux musulmans en dehors du mécréant. Cependant, il est important de savoir que le sang du mécréant est protégé dans trois cas. Al-Mu'ahad, Al-Musta'man et Al-Dhimmi. Al-Mu'ahad, c'est celui qui est lié par un pacte avec les musulmans, comme cela a eu lieu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le peuple de Quraysh lors du pacte d'Al-Hudaybiya, et comme cela a lieu à nos jours entre certains pays musulmans et certains pays mécréants. Al-Musta'man, c'est celui à qui la sécurité est accordée, celui qui est entré en terre d'islam pour le commerce, le travail ou toute autre raison, sous la protection d'un musulman, que ce soit le gouverneur ou une personne parmi les musulmans. Comme c'est le cas aujourd'hui, lorsqu'un mécréant entre en terre d'islam avec un visa. Ce visa, en réalité, c'est un gage de protection pour lui. Et il n'a en aucun cas permis de lui porter atteinte, même s'il provient à la base d'un pays en guerre contre les musulmans. À partir du moment où il est entré sous la protection d'un musulman, alors son sang doit être protégé. Et il n'est pas permis de lui porter atteinte. Al-Dhimmi, c'est celui qui vit parmi les musulmans et qui paye la jizya. Il obtient en échange de cela la protection de la part des musulmans. C'est-à-dire qu'il peut vivre en paix parmi les musulmans et que son sang sera protégé par les musulmans. Et de nombreux hadiths sont rapportés prouvant qu'il n'est pas permis de porter atteinte à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même informé que quiconque tue un mécréant lié aux musulmans par un pacte, alors il ne sentira pas l'odeur du paradis. Ceci nous montre donc la gravité de ce péché. Troisièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait que l'islam est venu pour préserver cinq choses essentielles. Et parmi ces choses, il y a la préservation de l'honneur, la préservation de la vie et la préservation de la religion. Et ces trois points fondamentaux, ils se retrouvent dans ce hadith. En effet, la peine infligée aux fornicateurs a là pour sagesse la préservation de l'honneur des musulmans, mais aussi la préservation des lignées, afin qu'un enfant ne soit pas attribué à autre que son père. De même, la loi du talion a là pour sagesse la préservation de la vie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 179 de Surat Al-Baqarah, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Vous avez dans le talion la préservation de la vie. Ô vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété. Ceci est donc une des sagesses immenses que renferme la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, la préservation de la vie. Car celui qui sait que s'il tue volontairement quelqu'un, il sera alors lui aussi tué. Il n'y a pas de doute que cette peine est dissuasive et que les gens prendront garde à ce crime abominable, car ils sauront qu'en faisant cela, ils risquent alors leur vie. La sagesse de cette loi est donc de préserver la vie et de dissuader les hommes de faire couler le sang les uns des autres, car la vie est un point essentiel et fondamental que l'islam est venu préserver. Et il en est de même pour le troisième cas, celui qui délaisse sa religion, qui apostasie de l'islam et se sépare du groupe des musulmans. Ceci a pour but de préserver la religion. En effet, celui qui sait que la religion de l'islam est la seule religion agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la religion qu'Allah a légiférée pour l'ensemble des deux pesants, les djinns et les hommes. Et que celui qui entre dans cette religion et meurt sur celle-ci sans avoir donné aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala, il entrera alors au paradis pour y demeurer éternellement. Si tu sais cela, alors il n'y a pas de doute que l'on doit préserver cette religion, appeler les gens à cette religion et dissuader celui qui serait tenté de délaisser cette religion. C'est donc pour préserver cette religion que ceci a été légiféré. Et j'attire votre attention ici sur un point très important qui échappe à beaucoup de personnes. C'est que l'application de ces peines, elle est réservée aux détenteurs de l'autorité, aux gouverneurs et ses adjoints, ceux à qui il a confié cette tâche. Et ceci ne revient en aucun cas au commun des gens, car ceci s'opposerait alors à la sagesse de ces lois divines, le but étant, comme on l'a dit, de préserver l'honneur, de préserver la vie et de préserver la religion. Quatrièmement, Parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a la mise en garde contre ces péchés immenses. En effet, vu la peine infligée à leur auteur, ce hadith, il nous démontre la gravité de ces trois péchés qui sont la fornication, le meurtre et l'apostasie. Et il n'y a pas de doute que si le musulman est conscient de cela, il sera alors dissuadé de commettre l'un de ces péchés. Tu dois donc t'éloigner de la fornication, mais aussi t'éloigner de tout ce qui peut te mener à celle-ci. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 32 de Surat al-Isra, « وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا » Et n'approchez point la fornication. C'est vraiment une turpitude et un mauvais chemin. Et on a déjà vu dans des cours précédents que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de s'écarter d'une chose ou qu'il interdit de s'approcher d'une chose, cela est plus fort que l'interdiction en elle-même. Car cela comprend quoi? Cela comprend l'interdiction de cette chose, mais aussi l'interdiction de ce qui conduit à cette chose. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit de t'approcher de la fornication, cela comprend donc l'interdiction de tout ce qui mène à ce péché abominable, comme le fait par exemple de regarder des femmes étrangères, de se mélanger à des femmes étrangères de façon impudique et de manière interdite, et notamment le fait de s'isoler avec une femme étrangère. Car lorsqu'un homme s'isole avec une femme étrangère, alors le diable est le troisième d'entre eux, comme il est venu dans le hadith. Et entre dans cela une nouvelle forme d'isolement très répandue à notre époque et qui a conduit à de nombreux méfaits, qui est le fait de s'isoler via les moyens modernes de communication et surtout via les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, WhatsApp et autres réseaux sociaux. Avant, les gens pudiques, ils se préservaient en restant dans leur demeure et en ne sortant que par nécessité. Mais aujourd'hui, la fitna, elle est entrée dans ton foyer. Elle est face à toi à longueur de journée, entre tes mains. En quelques clics, en quelques mouvements, la personne, elle peut se retrouver en train de commettre des péchés immenses, dont l'issue est réprouvable. Tu dois donc faire preuve de patience face à cela et ne pas te laisser aller sur ces réseaux. Beaucoup de nos frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore nos situations à tous, beaucoup font preuve de laxisme et pensent qu'il n'est pas grave d'échanger via ces réseaux. Et ils sont insouciants et inconscients du danger vers lequel cela peut les conduire. Donc si tu n'es pas capable de te contrôler et si tu n'es pas capable de te limiter à l'utilisation de ces moyens dans le bien et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu dois t'en éloigner. Et ce, avant de regretter les conséquences néfastes et les conséquences désastreuses auxquelles cela pourrait te conduire. Et c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on cherche le refuge. Et je vais ici vous rappeler un hadith rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Ils ont rapporté, d'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a été écrit à l'enfant d'Adam sa part de fornication qui l'atteindra inévitablement. La fornication des yeux et le regard, la fornication des oreilles et l'écoute, la fornication de la langue et la parole, la fornication des mains et le toucher, et la fornication des pieds et la marche. Quant au cœur, il désire et espère, et ce sont les parties génitales qui confirment ou démentent cela. L'éminent cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve et prolonge sa vie dans son obéissance, il a dit, après avoir mentionné ce hadith, « Ceci est une mise en garde du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui renferme l'obligation pour le musulman de préserver ses membres qui sont les yeux, les oreilles, la langue, les mains et les pieds. En effet, celui qui ne les préserve pas, ils le feront tomber dans le mal et le répréhensible. » Et après ces paroles, le cheikh hafidhahullah a sévèrement mis en garde contre les discussions entre hommes et femmes via ces réseaux. Et il a dit que c'est une forme d'isolement illicite et que cela est encore pire que l'isolement connu auparavant. Nous devons donc craindre Allah, mes frères, et nous soumettre à l'ordre de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, en nous éloignant de ces turpitudes et tout ce qui y mène. Et également, les gens qui utilisent ces moyens, ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne doivent pas faire en sorte d'appeler à cette turpitude ou d'être une tentation pour les autres, notamment comme en mettant des photos de sa personne en photo de profil. Wallahu al-musta'an. Il n'y a pas de doute que les photos sont interdites dans notre noble législation. Mais il est pire encore quand ce sont des photos qui appellent à la tentation entre les musulmans. Wallahu al-musta'an. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me préserver ainsi que vous de ces fléaux. De la même manière, et même plus encore, le musulman, il doit prendre garde à tout ce qui mène à l'apostasie. Et pour cela, tu dois tout d'abord apprendre les causes de l'apostasie. Quelles sont les choses qui font sortir la personne de la religion de l'islam? De la même manière que tu apprends le bien et les voies menant au bien, tu dois aussi apprendre le mal et les voies menant au mal. Car celui qui ne connaît pas ce mal, il risque de tomber dedans. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. En effet, comment pourrais-tu te préserver d'une chose si tu ne connais pas cette chose? Tu dois donc préserver ta religion en apprenant cela, mais aussi en t'écartant de tout ce qui mène au doute, comme le fait d'écouter les paroles des gens, de l'innovation ou de la mécréance. Et une fois de plus, ce danger est d'autant plus accru avec la multiplication des moyens de communication à notre époque. Il faut savoir qu'un jour, Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un écrit des gens du livre. Il a alors lu cet écrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé et il a dit à Omar radiallahu ta'ala anhu: êtes-vous hésitant à son sujet, ô fils d'al-Khattab? Êtes-vous hésitant à son sujet, ô fils d'al-Khattab? Par celui qui détient mon âme en sa main, je suis venu à vous avec la religion blanche et pure. Ne les interrogez en rien, car ils vous informeront d'une vérité et vous la démentirez. Ou ils vous informeront d'une chose fausse en laquelle vous croirez. Par celui qui détient mon âme en sa main, si Moussa était vivant, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, et l'imam Al-Albani, rahimahullah, l'a considéré comme bon. L'imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam a dit en explication de ce hadith: c'est-à-dire, êtes-vous indécis au sujet de l'islam? Ne connaissez-vous pas votre religion au point de l'apprendre des juifs et des chrétiens? Ceci veut dire qu'il a réprouvé le fait de prendre la science des gens du livre. Et le sens de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam: je suis venu à vous avec la religion blanche et pure. C'est-à-dire, je voulais clarifier. Je vous ai clarifié cette religion de sorte qu'elle ne comporte aucune confusion pour vous. Et elle est pure, c'est-à-dire qu'elle est exempte du polythéisme, exempte des innovations et exempte des superstitions. Et méditez, mes frères, méditez sur le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à Omar, radiallahu ta'ala anhu, Omar, qui est al-Farouq, celui qui distingue le bien du mal, il lui a interdit de regarder quoi que ce soit parmi les feuillets des gens du livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé à cause de cela. Alors que pensez-vous, mes frères, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait les musulmans aujourd'hui devant leur télé ou devant leur téléphone en train d'écouter les faussetés des mécréants, en train d'écouter les faussetés des hypocrites matin et soir, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith le fait que l'islam appelle à l'unité et à l'union sur la religion. Et l'islam interdit la division dans la religion. Car la division, elle mène à la faiblesse de la communauté. Et al-jama'a, le groupe, ce sont ceux qui sont sur la religion de vérité. Donc celui qui délaisse sa religion, il n'y a pas de doute qu'il se sépare du groupe. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de nous unir sur sa religion et de nous cramponner à celle-ci, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Ali Imran au verset 103: wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. C'est-à-dire, cramponnez-vous tous ensemble à la religion d'Allah, cramponnez-vous tous ensemble au livre d'Allah et cramponnez-vous tous ensemble à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Soyez unis sur cela et ne vous divisez pas en religion. Ceci est donc l'ordre venu d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous unir sur cette religion et de ne pas nous diviser. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala d'unir la communauté sur la vérité, sur le noble livre de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.